Elle est un peu... Je connais pas les accords. I'm looking for, but I don't stay a long time because I must go. There are sweats. Brothers. B majeur. B majeur. Il n'y a pas les paroles. Voilà. Il n'y a pas les paroles. Piano. Piano. Chords. Travis. Let me cover mountain. I don't play good. Let's start one. If you can find the chords. משחרר. Panneaux solaires, tu vis offshore. prenant la main, joggeur sur la plage, trimaran au large, le ciel semble plein. Je vais manger, je dois me casser. Bye bye. I'm sorry. I'm sorry. Thank you.

Thank you.